Chapitre 8e. Le mariage de Pierre de Carlebon et de Philiberte de Montmaillan fut célébré dans cette même église qu'ils avaient réunis, mais cachés l'un à l'autre, un mois auparavant. Une grande foule encombrait la nef à demi ruinée. Une multitude remplissait le cimetière abandonné. Philiberte en traversa les rangs pressés, plus pâle que son voile. C'était un spectre plus qu'une femme. Monsieur de Bléré la vit trembler sous les longs plis de la dentelle lorsque Monsieur de Carlepont passa l'anneau nuptial à son doigt. Rentrée chez elle et la porte fermée, elle arracha le bouquet de fleurs d'oranger qui paraît son corsage et le dispersant d'une main fiévreuse. « Périssez jusqu'à la dernière fleur menteuse » s'écria-t-elle. « Périssez et tombez en poudre comme mon cœur. Il ne reste rien de moi. Qu'il ne reste rien de vous. » Une glace placée devant elle réfléchissait son image. Philiberte eut peur en la découvrant. Elle l'apercevait debout en face d'elle et dans une attitude menaçante, un être farouche qu'elle ne connaissait pas. Ses regards sombres étaient pleins de provocations. Mille défis partaient de cette bouche irritée. Un instant, saisie d'effroi, Philiberte s'arracha par un effort de sa volonté à cette sorte de fascination. « Voilà donc ce que l'autre a fait de moi ?» dit-elle en tombant dans un fauteuil. Un ruisseau de larmes la soulagea, trempant alors ses mains et son visage dans l'eau froide. « J'ai fait ma destinée, acceptons-la, » dit-elle. Elle redescendit, plus calme et presque souriante. Monsieur de Bléret, qui l'observait attentivement, plus encore que ne le faisait Monsieur de Carlepont, vit sur son visage les traces presque effacées de cette convulsion, comme on voit sur les blanches rasurées de l'horizon les déchirures et la fuite d'un orage qui s'éteint. Malgré les supplications de Madame de Montmaillan, qui aurait voulu donner cette journée aux fêtes et au bruit du monde, on avait réuni au château de Brec un très petit nombre de personnes. Vers minuit, une voiture entra dans la cour et reçut Philiberte et Monsieur de Carlepont, qui se rendaient au rocher. Pierre tendit la main à Monsieur de Bléré qui la lui serra silencieusement. L'attelage partit au galop. Quelque temps, Monsieur de Bléré vit dans l'épaisseur du bois les deux lanternes qui flamboyaient, et aux deux côtés de la voiture des lueurs tremblotantes qui couraient dans la nuit. Le bruit des grelots qui sonnaient au cou des chevaux accompagnait cette clarté fugitive. À l'un des coups du chemin, tout s'effaça. « C'est l'inconnu qui s'ouvre, » murmura le Breton. On apprit bientôt après que Monsieur de Carlepont et la Duchesse étaient partis pour l'Italie. Personne ne savait quelle époque ils comptaient en revenir. Le silence se fit autour du château de Bray. Une sorte de mélancolie s'empara de Monsieur de Montmaillan. Il passait de longues heures à se promener seul dans les endroits autrefois fréquentés par sa fille. Il s'affaissait doucement. Un matin, on le trouva mort au pied d'un arbre dans l'attitude d'un homme qui se repose. Il semblait que cette âme lassée et blessée n'eût attendu pour disparaître que le moment où Philiberte aurait trouvé pour s'appuyer un bras honnête et fort. Quand la nouvelle de ce trépas se répandit dans le château, la baronne poussa les hauts cris et découvrit spontanément qu'elle adorait son mari. Elle en parla 3 mois durant comme le pigeon de la fable devait parler du ramier voyageur. Cependant, elle retourna à Paris et rouvrit un salon où les largesses de Monsieur de Carlepont lui permirent de réunir un auditoire et de pénétrer de nouveau dans les élégances du monde. 3 ou 4 ans se passèrent. Un jour, on revit le duc et Philiberte au rocher ramenant d'Italie un bel enfant robuste et gai. Philiberte, que Monsieur de Nassy reçut avec de grands témoignages de respect, était plus svelte, plus animée dans tous ses membres, avec une pâleur plus mate, plus unie, en quelque sorte plus concentrée sur les joues. Ses yeux paraissaient plus grands, son visage plus aminci. Sa beauté avait changé de caractère. En rendant au vieillard son salut, elle sourit, passa lentement et disparut. Une heure après, elle était à cheval et se dirigea à pleine course vers le château de Bray. Les feuilles des bois déjà rouillées par les premières froidures commençaient à tomber. Elle arriva devant les vastes bâtiments pleins de silence, abandonnés, morts. L'herbe avait tout envahi. Des moutons broutaient entre les pavés de la cour et jusque sur le perron dont les dalles étaient désunies. Deux petits garçons qui la reconnurent poussèrent des cris. Elle leur jeta quelques monnaies et leur enjoignit de se taire. Ils restèrent bouche béante et tout tremblant devant ce geste hautain. Philiberte confia la bride de sa monture à l'un d'eux et fit le tour du château. En passant devant la fenêtre de la chambre qu'elle avait longtemps occupée à l'un des angles du rez-de-chaussée, elle ralentit son pas. Un des volets, secoué par le vent, pendait sur les gonds descellés. Elle jeta un coup d'œil au travers des vitres. Des plantes qu'on avait oubliées dans des vases étaient mortes. À l'intérieur, tout était à sa place. Le petit bureau surmonté d'un rayon rempli de livres, le grand fauteuil au coin de la cheminée, la lampe qui autrefois brûlait si tard, la pendule dont l'aiguille par un caprice du sort marquait l'heure qui avait décidé de sa vie, le lit dans l'enfoncement obscur de l'alcôve. Elle colla son front à la vitre et son sein se gonfla. Un chien, presque aveugle, qui depuis quelques instants rampait à sa suite, vint coller sa tête velue contre sa robe, cherchant sa main. Elle abaissa les yeux et reconnut un vieux chien de garde qui périssait de vieillesse. Une sorte d'attendrissement la saisit et elle se mit à le caresser. « Il n'y a donc plus que toi, » dit-elle, tandis que le pauvre animal gémissait doucement. Arrachée à son silence, Philiberte se dirigea vers l'église où elle s'était mariée. Des pierres en plus grand nombre étaient tombées du faîte des murailles. De nouvelles broussailles poussaient leurs rameaux échevelés tout alentour. Une chèvre et son chevreau qui bêlaient le long du porche s'enfuirent à son approche. Elle atteignit la porte fermée au loquet, s'arrêta, y posa la main, puis secouant la tête par un mouvement brusque et triste, elle s'éloigna. « Ah, pourquoi y rentrer ? » murmura-t-elle les dents serrées. « Ne sais-je pas quels souvenirs m'attendent sous ces voûtes ?» Le vieux chien, qui la suivait toujours, mais de plus en plus lentement, s'arrêta sur un pont de mousse et hors d'haleine s'y coucha en remuant la queue. Sans le voir, Philibert traversa le cimetière où des couches plus épaisses d'herbes sauvages avaient égalisé le sol et presque effacé les renflements des vieilles tombes, revit le banc de bois vermoulu sur lequel elle s'était assise, fendit d'un pas fiévreux le rideau d'arbustes qui la séparait du mur de clôture en ruine, et laissant derrière elle un tourbillon de feuilles desséchées qui tombaient des branches, elle regagna la place où son cheval l'attendait. Elle céda d'une borne pour se remettre en selle et poussa la bête hennissante dans la forêt. Pendant les quelques années qui s'étaient écoulées depuis son mariage, Philiberte avait fait de sincères efforts pour se rattacher à quelque chose qui combla le vide de son cœur. Son fils même n'y avait rien pu. Ses petites mains, si remplies d'espérances, de promesses, de dons bénis, ne lui apportaient aucun secours. Elle le voyait, l'aimait, le dévorait de caresses et n'était pas consolée. Un mal irréparable la consumait, un désir inassouvi augmenté d'un regret amer. Elle avait eu des jours de défaillance sans étancher la soif dont son âme était altérée. À présent, le dédain d'elle-même succédait au dédain qu'elle avait des autres. Elle se demandait avec des tressaillements douloureux comment on les blessait au contact du fer. Si cette chute qu'elle exécrait et qu'il avait fait monter au rang de duchesse serait la dernière, et si de nouveaux abandons ne la feraient pas descendre au rang des plus misérables. Quel cri poussa alors son orgueil en révolte? Qu'elle eût préféré la mort à cet avilissement? Mais l'incertitude et le désenchantement de son cœur lui permettaient-ils encore d'être sûre d'elle-même et de rester inaccessible aux entraînements? Elle n'était ni libre ni en confiance avec M. de Carlepont, mais bien plutôt soupçonneuse, irritée, susceptible et toujours en garde contre ses souvenirs dont un mot pouvait trahir l'implacable vitalité. Entre eux, jamais de conversation ou aucun épanchement. Une politesse attentive et glacée remplissait l'intimité. Au bout de la première année, ils ne se recherchaient déjà plus. Monsieur de Carlepont comprenait instinctivement qu'il luttait dans l'âme de Philiberte contre un fantôme, et que ce fantôme était le plus fort. Il avait pu vaincre cette âme courroucée dans une heure de faiblesse, mais non la dompter. Dans les jours où le poids de la solitude la poussait vers son mari, un réveil de sa conscience la faisait rentrer dans un silence à la fois craintif et dédaigneux. Il lui semblait que sa chute l'avait fait déchoir, et prête à se jeter dans les bras de M. de Carlepont en lui criant « Aimez-moi, sauvez-moi !» Elle fermait tout ensemble, et ses lèvres, et son cœur, parce qu'elle ne voulait être ni repoussée comme une coupable, ni accueillie comme une suppliante. Il lui prenait en outre des effrois subit quand elle entendait son fils la presser de ces mille questions qui viennent si vite sur la bouche des enfants. Une franchise farouche lui disait qu'elle n'avait ni les tendresses vigilantes, ni les aptitudes diverses, ni les recueillements qui font les bonnes mères. De quelle main dirigerait-elle l'éducation du cher petit être qu'elle voyait s'ébattre dans l'herbe? Que lui apprendrait-elle de la vie? L'initierait-elle à son insu et par des tristesses contagieuses au désenchantement qui rendait stérile tous ses efforts? Lui donnerait-elle par son exemple ce besoin âpre, impérieux d'un bonheur imaginaire qu'il avait fait se déchirer dès son premier élan? Où était la douceur, la résignation, le contentement de soi-même qui rendent l'enseignement fécond? Elle ne découvrait en elle que meurtrissure, lassitude, défaillance. Sa pensée était inhabile à s'enfermer dans le cercle des devoirs domestiques, et malgré les amères leçons de l'expérience, se heurtait sans cesse contre d'impérissables aspirations, comme un oiseau abattu par l'orage, frappe de ses ailes déchirées la cage qui le retient prisonnier. Que n'eût-elle pas donné pour être semblable à ces humbles femmes qui trouvent leur satisfaction dans l'accomplissement quotidien des devoirs les plus tranquilles et les plus réguliers? Mais son esprit orgueilleux, qui avait tout attendu de l'amour, ne pouvait se résoudre à maudire ce qu'il avait encensé, et le ressort lui manquait en même temps que la foi. De là, une tristesse sourde, profonde, continue, dont sa vie était comme imprégnée, et qui minait lentement sa jeunesse. Le monde qu'il avait vu à Paris un instant s'étonnait de cette lassitude et de cet accablement dont les traits de la duchesse portaient l'empreinte. Pourquoi tant de pâleur à qui tout semblait sourire? Elle avait le nom, elle avait le rang, elle avait la fortune. Que lui manquait-il? À cette époque, Philiberte était comme un arbrisseau courbé par un vent impétueux et dur. Ceux qui pénétraient dans sa vie pouvaient croire qu'elle se mourait d'une fièvre lente. Monsieur de Carlepont, de son côté, consumait sa vie dans une activité physique qui dévorait ses jours sans tromper son ennui. Il montait à cheval par tous les temps il chassait. On le voyait sans cesse dans la campagne, errant comme un voyageur qui cherche un abri. Il aimait peut-être encore Philiberte, il la plaignait surtout. Il eut tout tenté pour la rattacher à l'espérance, mais n'y parvenant pas, il admirait cette fierté qui la faisait mourir de la blessure qu'il avait déchirée, sans se plaindre, comme une panthère atteinte en plein corps, expire au fond des bois. Les mêmes pensées qu'il avait agitées lors de son premier séjour au rocher l'y poursuivaient de nouveau. Sa vie s'écoulait, inutile aux autres, pesante à lui-même. Le mariage n'en avait pas amélioré les conditions morales. Sa conscience d'ailleurs le condamnait. Bien plus que sa compagne, il était coupable. Si Philiberte avait été mal dirigé, mal conseillé, il avait mal agi en prenant pour guide l'emportement de son caprice. Il en était puni par l'isolement au sein même du mariage. Sa grande fortune ne lui servait plus qu'à mieux voir le vide absolu de son existence. Ses revenus s'entassaient les uns sur les autres sans utilité comme ses jours, et quand il mesurait l'abondance de ses ressources au médiocre parti qu'il en avait tiré, il ne pouvait s'empêcher de soupirer. S'il rencontrait alors son fils tout occupé d'une chasse sérieuse aux papillons, « pauvre petit », disait-il. Un temps se passa. L'enfant, étonné du silence qui l'entourait, tournait parfois ses yeux plaintifs et doux du côté de sa mère. On riait cependant dans les chaumières où ses jeux le conduisaient. Après les rudes travaux de la journée, autour de l'âtre, en hiver, dans les granges, en été, sur l'herbe, pendant les soirées tièdes, filles et garçons se réjouissaient bruyamment. De pauvres valets de ferme, qui n'avaient qu'une veste, dansaient comme si la terre qu'ils foulaient du plat de leurs sabots fût leur domaine. Les bergères, vêtues de grosse laine, fredonnaient en chassant devant elles les dindons et les oies. On l'accueillait gaiement autour des tables, au temps des châtaigniers et des noix. Et il lui était arrivé de s'endormir au bruit des chansons dans les bras de quelques robustes fermières. Les souvenirs qu'il rapportait de ses escapades faisaient passer une ombre sur son front. Au retour, et quand M. Donatien le ramena à sa mère, il interrogeait du regard les hôtes du château, puis surmontant sa timidité. « On a raconté de belles histoires à la métairie, » dit-il. « Après, quoiqu'on fût bien là, on s'est mis à sauter. Demain on fera des crêpes, et j'en serai. » Il se taisait alors, mais sa bouche entr'ouverte semblait dire encore « Et demain, que fera-t-on ici ? » Le père l'embrassait et sortait. Lui non plus n'était pas un exemple à suivre, et il frissonnait à la pensée qu'un jour peut-être son fils lui demanderait « Qu'avez-vous fait ? » faire. Était-ce là le grand mot, le verbe du siècle au milieu duquel il était né? Était-ce probablement qu'à la loi imposée par ce verbe qu'il se sent écrasé sous le poids de son implacable inutilité? Mais comment en sortir? Et par quelle force faire quelqu'un de qui, jusqu'alors, n'avait été que l'héritier d'un nom et d'une fortune? Cette même agitation morale, qui dans un autre temps l'avait chassé de Paris au rocher comme un vaincu, lui faisait éprouver des souffrances dans toutes les choses où il avait mis autrefois une parcelle de son bonheur. Cet événement qu'il essayait de réagir contre le malaise intérieur qui l'envahissait, le malaise était le plus fort. À cette époque de sa vie, M. de Carlepont ne trouvait un peu de soulagement que dans la solitude, la marche, le grand air. On le rencontrait souvent le soir sous la lisière des bois, un fusil à ses pieds, regardant la plaine où fumaient les sillons fraîchement ouverts. Les rayons obliques du soleil rougissaient la brume légère qui rampait à la surface du sol. Des attelages de bœufs quittaient les champs et se profilaient en noir sur la ligne de l'horizon. Monsieur de Carlepont en suivait des yeux la marche lourde et lente. Un laboureur, le bonnet sur l'oreille et sa gaule à la main, chantait d'une voix monotone et perçante un refrain dont la sonorité de l'air portait au loin la mélodie. Ses sabots sonnaient sur le sentier, tandis qu'un vent frais passait sur les genêts au milieu desquels les perdrix s'appelaient. Cependant, la clarté s'effaçait et l'ombre s'étendait sur la plaine, où des vapeurs plus épaisses se condensaient en longues traînées blanches. Bientôt, la silhouette des bœufs s'enfonçait dans le brouillard, d'où la voix lointaine du laboureur sortait encore. Une couleur indécise, marquée aux approches des bois par des contours d'un gris plus net et plus accusé, estampait le paysage. Le soir raccourait. Monsieur de Carlepont ne remuait pas. Son chien couché à ses pieds humait l'air chargé d'arômes et poussait de sourds aboiements. Lorsqu'on n'entendait plus aucun son, si ce n'est ces bruits vagues et confus qui flottent avec le vent et remplissent l'espace aux approches de la nuit, le duc s'arrachait enfin à son immobilité. Une tristesse sans bord l'envahissait tout entier. Et reprenant le chemin du rocher, il souriait amèrement, à la pensée qu'autrefois le monde lui semblait pas avoir assez d'étendue pour ses pieds. Quelques bois, quelques champs lui suffisaient aujourd'hui. Au retour, il trouvait Philiberte, seule, assise à l'écart dans la nuit d'une chambre sans lumière, les mains sur les genoux, les yeux attachés sur les blancheurs ternes qui venaient de la fenêtre, le front plié sous le poids de longues méditations. L'enfant, blotti dans un coin, ne soufflait pas. Il avait peur. À ce moment de leur vie, et lorsqu'une sorte de consomption morale dévorait les deux époux, une de ces fêtes auxquelles certaines positions commandent d'assister, les conduisit l'un et l'autre dans une métairie où un assez grand nombre de leurs voisins étaient réunis. L'aïeul avait été un des tenanciers des Carlepont dans les temps reculés. Le petit-fils se considérait comme de la famille par les liens respectables de l'ancienne domesticité. On célébrait dans la maison l'anniversaire d'un mariage qui entrait dans sa 50e année. Tous les parents avaient été conviés pour cette fête rustique qui empruntait aux héros assis à la place d'honneur quelque chose de patriarcal. Il y avait autour de la table trois générations d'êtres tranquilles et doux, trois générations de visages calmes et de mains calleuses. On y faisait trêve pour un jour au labeur quotidien. Les regards étaient clairs, les sourires francs. La joie avait ses lèvres coudées, la confiance tout son entrain. On voyait quelquefois des larmes dans les yeux des deux vieillards quand une chanson finissait. Ils s'embrassaient. Tous leurs traits respiraient une tendresse éprouvée et mûrie par les feux de 50 soleils. Autour d'eux se pressaient des hommes et des jeunes gens, ceux-là forts et déjà chefs de famille, ceux-ci robustes et dans toute la sève du printemps. Un tourbillon de petites filles et de petits garçons courait entre leurs jambes, grimpant sur tous les genoux au hasard, ou enlevés par des bras vigoureux qui les suspendaient tout à coup à hauteur des lèvres. On entendait par explosion ou par fusée un bruit joyeux de cris, de refrains, de mots riants et de baisers. Une abondance frugale donnait satisfaction aux appétits les plus solides. Ça et là, on organisait des danses et des jeux. Les grandes filles sautaient sur l'herbe, accouplées à de beaux garçons. Les plus petites les regardaient avec de muettes admirations, puis les imitaient dans les coins. La fête avait commencé dès le point du jour. Elle durait encore au soleil couchant. Point de lassitude. Le travail avait assoupli tous ses membres sains aux fatigues du plaisir. M. Monsieur de Carlebon et Philiberte se promenaient au milieu des groupes, l'un et l'autre étonnés, presque attendris. La même pensée les tourmentait. Il y avait là toute une famille de pauvres gens qui ne possédaient rien, si ce n'est quelques bestiaux, quelques instruments aratoires, un coin de terre tout au plus. Ils étaient nés au bord d'un champ et leurs yeux voyaient chaque jour le même horizon. Jamais ils n'avaient embrassé leur cervelle de chimère, et ils portaient la vie avec l'aisance d'un bel arbre, ses rameaux et son feuillage. Eux, au contraire, ils avaient tout à profusion, leur esprit s'était épuisé en recherche d'insubtilité, la terre ouvrait ses mers et ses continents devant leur fantaisie, et le poids des jours leur semblait plus dur et plus lourd à porter qu'une chape de plomb. Pourquoi cette différence? Henri suivait son père silencieusement. Il ouvrait de grands yeux émerveillés, presque surpris que des enfants en si grand nombre puissent être aussi gais. On voulut le pousser parmi leurs jeux. La timidité l'en empêcha. Il fit un pas, il en fit deux, hésita, et revint tout honteux. Ses beaux amis, ses parents aussi, peut-être, le gênaient. Vers le soir, M. de Carlepont le découvrit derrière un buisson, tapi dans l'herbe. Il jouait avec un hanneton et chantait d'une voix grêle. « Pleure, pleure, pleure, c'est maman qui rit. » Vous l'entendez, dit M. de Carlepont à Philiberte qui pâlissait. Un mauvais sentiment d'orgueil la fit se redresser. Ah, vous voulez que je rie, dit-elle. Eh bien, soit, je rirai. Le rocher changea d'aspect. On vit la duchesse se répandre dans tous les châteaux voisins et appeler chez elle tout ce qu'il y avait de beau monde dans les environs. Excessive en toutes choses, elle fut transformée en 4 jours. Plus de vêtements noirs, mais les toilettes les plus éclatantes. Cette femme qu'on rencontrait seule dans les avenues les plus désertes du bois, un livre à la main, ou la tête inclinée, les yeux à terre, ne se montra plus qu'en superbe équipage et entourée d'une brillante compagnie. Les musiciens ne sortaient pas du château. Ballets, concerts, fêtes et réceptions se succédaient sans relâche. On montait à cheval, on jouait la comédie. Une légion de visages nouveaux peuplait le rocher. La province, à 30 lieues à la ronde, ne comptait pas de résidence plus tumultueuse. Les plaisirs y tenaient cour plénière. Quand le matin la surprenait, parée à ravir et entourée de bougies qui se mouraient, « Êtes-vous content ? » disait-elle au duc. Le duc laissait faire. Ce fut encore pire quand Philiberte rentra à Paris. Elle n'eut plus un jour de repos. Qu'il avait vu lors de son retour d'Italie et qu'il la rencontrait à présent dans les plus beaux salons ne la reconnaissait pas. Elle y passait comme une comète. On la voyait partout, à toute heure, et jamais lasse. Le petit Henri avait la tournure et l'habillement d'un prince. Il avait oublié la chanson du hanneton. Un matin, M. de Carlepont écrivit à M. de Bléré « Si vous êtes curieux de voir une maison de fous, venez chez nous. Vous en aurez à cœur joie. Autrefois, c'était un sépulcre, maintenant c'est un casino. Le tapage y est en permanence. On entre, on sort, on mange, on rit, on s'agite. Je ne crois pas qu'on s'y amuse. » Cette révolution provient d'une idée qui a sauté dans le cerveau de la duchesse à la suite d'un refrain que chantait Henri. Je vous expliquerai cela plus tard. Où prend-elle des forces pour résister à toutes ces fatigues? Je l'ignore. Elle en trouve chaque jour de nouvelles, bien qu'elle ait par instant le visage d'une morte. La vie que nous menions jadis, cloîtrée au rocher comme dans une trappe, ne valait rien. Celle-ci ne vaut pas mieux. Combien de temps durera-t-elle? Je l'ignore. Je laisse la duchesse danser, la bride sur le cou. C'est mon système de ne la contrarier en rien. Vous qui l'avez vue à l'époque de notre mariage, vous me comprendrez. Nous ne sommes pas dans des liens qui me permettent de la diriger. Se trouve-t-elle bien de cette existence? Je ne le pense pas. Le petit s'en trouve mal. Autrefois, je parle d'il y a quelques mois, il était triste, ce qui est pernicieux à l'enfance. Aujourd'hui, il est plein de mièvrerie, de recherche, avec de nuances d'afféterie et de dédain, ce qui est malsain. Je ne laisserai pas ces mauvaises herbes le temps de pousser de profondes racines. Si pour moi j'ai abdiqué, pour lui j'ai réservé tout entier mon autorité. Si une crise n'éclate pas, un jour j'interviendrai, nous disparaîtrons, Henri et moi. En attendant, laissez faire et laissez dire est ma devise. On se fatiguerait à calculer l'effroyable quantité de sottises qui se débitent dans ma maison en 24 heures. Des jambes, des cravates, des habits, des danseurs, pas un cerveau. Le monde était dégoûté du monde. Je ne vous apprends rien en vous disant cela. Ce qui m'étonne, c'est que la duchesse puisse y jouer son rôle. Elle est intelligente cependant, quoique d'une intelligence faussée et malsaine, et par certains mots qui brillent comme des éclairs, j'acquire la preuve qu'elle n'a pas déchu. Mais les femmes ont cette puissance. Voilà toute une saison qu'elle traverse sans y rien perdre de son esprit. Des zones de conversation qui tueraient un homme. A-t-elle un but en persévérant dans cette voie sans issue? Je verrai bien. Ce n'est peut-être que l'effet d'un caprice. Elle a beau se perdre dans un tourbillon de valse et de frivolité, quoi qu'elle fasse, ce ne sera jamais une femme ordinaire. Quand le hasard la passe en présence de quelqu'un ou lorsqu'un livre qui ne traite pas de fadaise tombe entre ses mains, le diamant brille tout à coup. Et je ne me sers pas de ce mot à la légère. Ce n'est pas Roméo qui parle, croyez-le bien. Philiberte est d'une race d'élite. La marquise est obscurcie et diminuée par mille fatalités. Les conseils, les bons exemples, la tendresse même n'y peuvent plus rien. Il faudrait une secousse, une révolution. Mais laquelle et viendra-t-elle seulement? L'autre nuit, elle rentrait du bal. Il était 5 heures du matin. Une longue robe chamarrée d'or tombait sur ses pieds. Aucune folie n'avait manqué à cette nuit, ni la danse, ni le costume, ni le souper. « Je me suis bien amusé, » m'a-t-elle dit. J'ai pris sa main et l'embrassant. « Pauvre femme, » ai-je répondu. Elle a rougi. J'ai vu presque une larme dans ses yeux. Mais relevant le front et avec un geste hautain. « Ah bah !» s'est-elle écriée. Et la porte de sa chambre est retombée sur elle. « Oh oui, pauvre Philiberte. Elle était plus grande dans son isolement et plus sincère aussi. Peut-être encore était-elle moins malheureuse dans sa tristesse que dans cette bruyante gaieté où ses jours se consument. Il y a des heures où j'ajouterais volontiers, pauvre moi. Si moi je n'étais un homme. Et puis, rassurez-vous, quels que soient les liens que votre ami a noués autour de ses reins, Pierre de Carlepont n'est pas mort. Vienne l'heure, et il le fera bien voir. »